Maintenant que vous savez presque tout sur les mots se terminant par « ible » et « able », il est temps d'apprendre d'autres « transformaciones », très simples, pour retrouver facilement des mots espagnols qui vous serviront dans la vie de tous les jours. Vous souvenez-vous que nous disions dans les autres méthodes que les mots se terminant par « ant » finissent presque toujours par « ante », « ante » en espagnol, et ceux se terminant par « ent » finissent par « ente », « ente » Revoyons cela. Notez d'abord que ces terminaisons se disent « ante » et « ente ». Toutes les lettres se prononcent. Le son « un » n'existe pas en espagnol. Bon, allons-y. Comment diriez-vous en utilisant « para ti » pour dire « pour toi » Ce n'est pas très important pour moi, mais c'est très important pour toi, Roberto. Réfléchissez bien. No es muy importante para mí, pero es muy importante para ti, Roberto. No es muy importante para mí, pero es muy importante para ti, Roberto. Au féminin pour importante, on aura aussi importante. Ok, continuons. Comment diriez-vous? Ce restaurant n'est pas très bon. Este restaurante no es muy bueno. Este restaurante no es muy bueno. Notez bien que l'on dit « restaurante » et non « restaurante ». Toutes les lettres se prononcent, le « a » et le « u » ainsi que le « a » et le « n ». Comment direz-vous maintenant « alarmant » ? Alarmante. Il faut bien dire « alarmante ». Vous n'aurez, heureusement, pas souvent besoin d'utiliser ce mot. Et vous vous demandez peut-être même pourquoi on s'embête à l'apprendre. Bonne question. De nouveau, c'est pour vous montrer que vous connaissez déjà ce mot. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un effort de mémorisation et, en plus, il vaut mieux élargir vos connaissances, sinon vous emploierez un langage très limité, un langage élémentaire. Essayez juste de deviner le mot lorsqu'il semble être similaire au français et, la plupart du temps, vous réussirez à faire passer la balle au-dessus du filet pour reprendre l'image de Michel Thomas. En d'autres termes, on vous comprendra. Pour vous montrer que vous connaissez déjà beaucoup de choses, comment diriez-vous « Cette situation est très alarmante et je veux l'éviter ». Dites d'abord « Cette situation est très alarmante ». Esta situación es muy alarmante. Esta situación es muy alarmante. Et je veux l'éviter. Y quiero evitarla. Y quiero evitarla. Il fallait utiliser la après evitar, vu que le mot situación est féminin. Autre chose. On accroche le mot la au verbe à l'infinitif, mais on peut aussi le mettre devant le verbe conjugué. Y la quiero evitar. Redites la phrase entière. Cette situation est très alarmante et je veux l'éviter. Esta situación es muy alarmante y quiero evitarla. Esta situación es muy alarmante y quiero evitarla. Vous auriez pu dire aussi Esta situación es muy alarmante y la quiero evitar. Et si vous voulez dire Je veux l'éviter tout de suite, vous emploierez ahora mismo pour tout de suite. Ahora mismo s'écrit en deux mots. A-H-O-R-A, que vous connaissez déjà et qui signifie « maintenant » et plus loin, M-I-S-M-O, qui veut dire « même ». Mais les deux mots ensemble signifient « tout de suite ». Donc, comment direz-vous « je veux l'éviter tout de suite » Quiero evitarla ahora mismo. Quiero evitarla ahora mismo. Ou la quiero evitar ahora mismo. J'espère que vous n'avez pas oublié le petit mot « la ». Maintenant, comment direz-vous « pénétrant » ? Penetrante. Penetrante. Encore un mot sophistiqué et pourquoi pas ? Vous pouvez parler de « froid pénétrant » ou de « regard pénétrant » par exemple. Vous ne parlez peut-être pas couramment l'espagnol, mais Vous êtes sans aucun doute sur la bonne voie et vous savez beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Pouvez-vous deviner maintenant comment se dira « fascinant » ? Fascinante. Fascinante. En Espagne, on prononce le S et le C. Fascinante. Mais comment dirais-tu ce mot, Roberto ? Fascinante. En Amérique latine, on ne dit qu'un S car le C se prononce comme un S. Alors, dites-moi maintenant « tolérant » en espagnol. Bravo ! C'est bien « tolerante ». Comment diriez-vous alors « il est important d'être tolérant » ? Avant de traduire, je vous rappelle que, après les tournures telles que « il est important de », »,« il est nécessaire de », on ne traduit jamais le « de » en espagnol. Dites-moi alors, il est important d'être tolérant. Oui, es importante ser tolerante. Écoutons cette phrase de nouveau. Es importante ser tolerante. Es importante ser tolerante. Voici un autre truc bien utile. Même s'il suffit de rajouter un E à la plupart des mots se terminant par ANT pour obtenir leur équivalent en espagnol, ceci ne fonctionne pas toujours. Pour retrouver certains mots en ante, il faut parfois partir du verbe espagnol en ar, leur correspondant, et remplacer les lettres AR par ANTE. Prenons par exemple abondant. En espagnol, on ne dit pas abondante, puisque le verbe en ar est abundar. On obtient donc abundante. A-B-U-N-D-A-N-T-E. Pour s'assurer de dire le bon mot, il est donc plus sûr de partir du verbe. En utilisant peces, P-E-C-E-S pour poisson, et río, comme on l'a déjà vu pour fleuve, comment dirait-on ? Les poissons sont abondants dans ces fleuves. Los peces son abundantes en este río. Los peces son abundantes en este río. Vous pouvez le redire une autre fois, s'il vous plaît. Les poissons sont abondants dans ces fleuves. Los peces son abundantes en este río. Los peces son abundantes en este río. Dites-moi maintenant, en tenant compte du fait que le verbe stimuler se dit estimular, E-S-T-I-M-U-L-A-R, et en utilisant le verbe apprender, A-P-R-E-N-D-E-R, pour apprendre. Apprendre l'espagnol, c'est très stimulant. Aprender el español es muy estimulante. Aprender el español es muy estimulante. Vous rappelez-vous qu'en espagnol, on ne commence jamais un mot avec les sons sk, st, sp ou sf? On utilise toujours un e devant le s. C'est pourquoi squelette donne esqueleto, stable, estable, stupide, estúpido. On a aussi estructura, especialista, esfera. D'ailleurs, les Espagnols qui apprennent le français font souvent cette erreur au départ. Ils disent « estation » et « style » au lieu de « station » et de « style ». Revenons à un mot, « ante ». Comment direz-vous « changeant » sachant que le verbe « changer » se dit « cambiar ». C-A-M-B-I-A-R. Cambiante. Cambiante. Si vous avez un doute quant au fait d'ajouter ou non un « e » à un mot se terminant par « ant » pour retrouver son équivalent en espagnol, revenez toujours au verbe. Ainsi, vous ne risquez pas de vous tromper.